Messieurs, mesdames, personnes non binaires, cette vidéo fait suite à la vidéo sur le chamanisme, parce qu'en fait, il y avait encore quelques petites choses à dire. Donc on est toujours en fait près d'une une roche-mère, toujours juste à côté de chez moi, dans ces territoires géologiquement millionnaires, ces territoires de mégalithes. Ces pierres rondes, maternelles et extraterrestres, qui étaient vénérées il y a des millénaires par une peuplade dont nous ignorons aujourd'hui absolument tout. Et donc, la transe en jeu de rôle, je t'en ai déjà effectivement parlé lors de la vidéo sur le chamanisme, mais il restait quelques points à aborder et surtout, j'avais envie de un tout petit peu décoller le sujet de la transe du sujet du chamanisme. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à te dire sur l'idée. En fait, ici, on va un petit peu oublier les aspects, je dirais, spirituels et se concentrer sur l'état de conscience altéré. En fait, c'est quoi l'intérêt d'atteindre la transe dans le cadre de sa pratique du jeu de rôle ? Eh bien, c'est pour découvrir éventuellement de nouveaux horizons créatifs, de nouvelles expériences. Et je dirais, je vais inventer un terme barbare, mais l'objectif principal, c'est de se décensurer. De totalement lâcher prise de ce qui est convenable de dire ou de faire, pour laisser parler, en fait, vraiment son moi intérieur, pour laisser venir une voix qui vienne des tripes et la laisser s'exprimer, quoi. Parce que c'est toujours mieux de dehors que dedans. Donc voilà, en fait, grosso modo, entrer en transe dans le cadre du jeu de rôle, c'est à la fois une découverte de soi et de l'inconnu. Je te cacherai pas que c'est bien sûr une pratique quelque peu, sinon dangereuse, au moins inquiétante. mais en même temps, c'est une pratique libératrice, cathartique, et je pense que pratiquer la transe dans le cadre d'une partie de jeu de rôle, c'est-à-dire en même temps en dehors d'un cadre religieux, voire sectaire, en dehors d'un cadre d'emprise par une personne, parce que si tu rentres en contact avec un chaman, c'est peut-être dans ce genre de situation que tu vas trouver, dans une situation d'emprise. Et c'est même tout simplement en dehors d'un cadre de voyage spirituel que tu ferais tout seul, toute seule. Et finalement, l'aspect cercle magique, l'aspect fiction, l'aspect expérience collective, mais qui reste un jeu, malgré qu'on peut faire du jeu de rôle à transe, généralement, on n'est plus tellement dans le lancer de dés, dans le ludisme et tout, on est d'accord. Mais ça reste un jeu au sens de play, si on fait une activité dont l'impact est mesuré. Pour moi, le jeu, il a toujours un impact. Le voyage, même si on a l'impression d'être bien à l'abri dans un train blindé, entre guillemets, le voyage ne laisse jamais intact, on est bien d'accord. Mais je trouve que quand même, le jeu est une forme de prétexte et de bouclier qui est vraiment intéressant. Donc, comment tu vas provoquer la transe? Eh bien, déjà, tu peux commencer juste par jouer des personnages en transe. Donc là, du coup, on va dire, moi, en tant que joueuse ou joueur, je reste en contrôle. Mais par contre, on est OK que mon personnage, lui, il est en transe, hein, il n'y a pas de souci. Alors, eux, pour les personnages, on peut entrer en transe, ils vont employer des moyens que, évidemment, je ne peux pas te conseiller sur YouTube, sinon je vais me faire totalement démonétiser. Comment ça, je peux monétiser? Oui, mais en fait, là, je n'ai même pas pu avoir de faux sponsors sur cette vidéo, puisque j'ai parlé de choses, j'ai parlé de drogue. Donc voilà, les personnages vont employer ça, je te le déconseille. Ils vont aussi employer des moyens surnaturels, je te le déconseille également, bien sûr. Et par exemple, la possession par des esprits. Donc, si tu veux en voir un petit peu plus là-dessus, mon jeu Psylozone en forme vraiment une compilation assez complète voilà, de ce qu'on peut faire comme voyage chamanique en personnage. Toi-même, en fait, tu peux décider que toi, tu vas entrer en transe pour accompagner ton personnage, pour jouer à un personnage qui est particulièrement intense ou différent de toi-même, outre. Alors, si tu veux entrer en transe, tu peux utiliser les vocalises. Alors, pense bien à la respiration ventrale, ça c'est important pour pouvoir durer dans ta vocalise, pour aller chercher un petit peu dans tes retranchements au niveau de la gorge et tout. Enfin, non, justement, tu ne peux pas faire un chant de gorge, tu peux faire un chant de ventre pour aller essayer d'aller loin dans les aigus, loin dans les graves. Avec faire des paumes, des choses comme ça, quoi, ou des trucs qui vont un petit peu te faire partir, quoi. Le lâcher prise, tout simplement, peut-être respirer un grand coup, faire peut-être des exercices respiratoires avant de lancer dans la partie, ou des minutes de silence, voilà, des petits exercices, tout simplement, juste te donner l'autorisation, dire allez hop, on passe un sas, on passe un seuil, et partir de maintenant, il n'y a plus de petits juges intérieurs, on n'écoute pas non plus les autres juges extérieurs, qui sont les joueuses. Et on y va en passant en écriture automatique, quoi. Robert Desnos, toi-même, tu sais. Évidemment, il y a le tambour chamanique. Moi, le mien, tu vois, il m'a coûté 80 euros, il est vraiment un truc là. Le tambour chamanique, c'est vraiment très, très efficace. Sinon, sur YouTube, tu peux récupérer des vidéos de fractales. On tape fractal de Mandelbrot. Alors, attention, si tu as des problèmes d'épilepsie, ne fais pas. Les vidéos de fractales, les vidéos de kaléidoscope. Bon, moi, ça fonctionne bien pour entrer dans des états un peu psychédéliques. Et évidemment, la musique, voilà, tout ce qui est musique stoner, psychédélique, certaines formes de musique électronique, du psychédrone, des choses comme ça. De la musique orientale, essaye de la playlist de Psylozone, par exemple, tu auras déjà une bonne base, je pense. Ça me paraît, j'ai plutôt passé sous séance en pressant de vidéo, donc là on va quand même parler de sécurité émotionnelle, parce que je pense que la transe nécessite un dispositif de sécurité émotionnelle qui lui est propre. Déjà, il faut admettre que à tout moment, la joueuse peut décider de rompre elle-même sa transe, quoi. C'est pas, voilà, c'est vraiment, on a un petit peu d'indigence les unes envers les autres, on dit on essaye, hein, on sait que c'est spécial, et donc si à un moment on ne le sent pas, on arrête. L'idéal, si la joueuse décide de sortir de la transe, il faudrait que les autres ne continuent pas, tu vois, en transe, soit qu'il y ait une autre joueuse. C'est pratique, tu vas trouver aussi dans les communautés de narcotiques, quoi. Il faudrait qu'une autre joueuse sorte de la transe pour discuter avec la première qui est sortie, de dire bon, comment ça va, tu vas un petit peu débriefer, de quoi tu as besoin et tout, ou juste être une présence, quoi. Dire, voilà, ok, tu n'es pas. Pas la seule personne qui s'est mise de côté et qui regarde les autres. Peut-être que toi, tu es en bad trip alors que les autres sont encore en good trip et tout. Je suis là, je suis là, tu n'es pas seule. Et du coup, ça pose d'ailleurs une question, c'est est-ce qu'il faudrait une tierce personne qui n'est pas en transe et qui va un petit peu chapeauter, surveiller, protéger les autres et tout, quelle est cette autre personne? Moi, je suis pas certain que ça puisse être MJ. Parce que généralement, dans les pratiques chamaniques, il est possible, généralement, MJ, la première personne à entrer en transe, quoi, c'est plutôt la personne qui va encourager ce phénomène. Peut-être que justement, MJ peut faire cet effort de dire, bon, là, on va faire une expérience, c'est vraiment vous, vos PJ qui rentrent en transe, moi, je vais essayer de rester, je vais être à la bordure, à la lisière et à veiller sur vous, ou éventuellement, bah, voilà, une joueuse, qui, pas une personne qui ne joue pas, peut-être là. Bon, ça, je pense que c'est à conseiller si on veut vraiment aller dans des pratiques de transe. On essaie vraiment d'aller à fond, des pratiques que moi-même, en fait, je pense pas du tout être dedans, en fait, actuellement, quoi. Ce sont quand même des trucs plus soft, hein, on va pas se mentir. Et tout simplement, moi, sur mon observation, ma pratique, ça fait quand même quelques années que j'essaye ces exercices de transe, je vois bien qu'il y a beaucoup de joueuses qui sont pas dans le délire, et donc. Beaucoup vont feindre la transe, alors juste leurs personnages seront en transe, ou seront en transe légère, voire pas du tout en transe, quoi, voire même en rejet de l'expérience, quoi. Il faut l'accepter. Je pense, c'est exceptionnel de réussir à réunir un groupe qui est d'accord pour que tout le monde y aille à fond. J'ai eu aussi des groupes, je pense que ça marche mieux en groupe restreint, de toute façon. Ou en GN, je trouve qu'en GN, en fait, c'est plus facile il y a un meilleur prétexte pour rentrer en transe. Mais en jeu de rôle, moi j'ai fait avec des petites équipes réduites, moi j'étais vraiment particulièrement en transe en tant que MJ. Les joueuses l'étaient moins, mais je sentais vraiment qu'elles étaient dans l'expérience. Des fois je les voyais fermer les yeux pour vraiment accueillir les images, accueillir la chose et tout. Qu'elles étaient intéressées, qu'elles étaient immergées tout simplement. Et donc, il y avait une petite, si tu veux, il y avait une petite asymétrie, mais qui était quand même très très intéressante, quoi. C'est un peu quand tu vas avoir un groupe de musique Doom, et effectivement que bah, les musiciens sont à fond, le public est un peu moins à fond, enfin, tu peux quand même déjà bien voyager quand tu es public, mais. Tu accompagnes quand même les musiciens et tu apprécies ça, quoi. Tu apprécies de vivre, on va dire, 50% de leur expérience, quoi. Donc voilà, je pense que tout simplement, il faut prendre le pouls de la table, il faut s'adapter, voilà, un petit peu, c'est comment on va, à quel point on va mixer ce niveau de transe, est-ce qu'on y va, tout simplement, et si on y va, à quel point, quoi. Pour finir, je te conseille un petit article qui s'appelle La voie de la transe par Arnaud Cudet dans JDR Mag, histoire que tu aies un petit peu voilà, d'autres vues que la mienne, quoi. Le lys et le lierre, des choses derrière, s'infiltrent dans la. La tour et la paupière dansent sous les ocelles perdues du paradis.